Audiomatique. La transmission 360 d'Audiomatique s'ouvrait sur un remix que nous offrait la formation Schrubben de la pièce Alien from the Edge, originellement composée par Apparat, avec la collaboration vocale du projet Raz O'Hara, incarné par l'artiste Patrick Rasmussen. Cette version de la pièce Alien from the Edge, faite par le groupe Schrubben, qui s'écrit S-H-R-U-B-B-N, point d'exclamation deux fois. Donc cette pièce apparaît sur l'album compilation double d'Apparat intitulé Things to be Freckled, qui regroupe des pièces d'apparat remixées par d'autres artistes ainsi que des pièces d'autres artistes remixées par apparat. La prochaine formation à se faire entendre à Audiomatique sera le groupe autrichien Le Charmant Rouge. Thank you. il tombe toujours de l'autre côté. La fosse de la mémoire, n'avait rien à trouver, ni futur, ni passé. Juste une belle fille avec qui s'en aller. La tête enroulée, son corps de liane, ses boucles nacrées. Au feu les sorciers, l'apprenti irradié. On a oublié de dire les titres des morceaux, mais celui-là, il s'appelle Magma. Voilà. À Audiomatic, les sonoristes vous ont présenté le duo français Verb, formé de Richard Escola et de Valérie Boucher, et la chanson Magma, qui a été enregistré en concert en 2008. Et pour amorcer cette séquence, il s'agissait du groupe autrichien Le Charmant Rouge qui nous interprétait leur composition Famed and Favored, qui est tirée de leur deuxième album Post Nobel, sorti en 2004. Audiomatic se poursuit maintenant sur une nouveauté, à savoir le groupe canadien Noise Unit. Ah. so. Buy it. You want to À Audiomatique, cette séquence de trois pièces concluait sur la musique de la formation allemande Blutengel et sa composition All These Lies apparaissant sur l'album Monument paru en 2013. Avant Blutengel, nous entendions la formation Soccer 96 et sa pièce Buy It, sur laquelle on entend également la voix et les mélodies de saxophone composées par l'artiste Angus Fairbairn, qui se produit sous le pseudonyme Alabaster de Plumé. La pièce Buy It se trouve sur le Tactics EP de Soccer 96 paru en 2020. Et pour entamer la séquence musicale, nous entendions la formation canadienne Noise Unit, actuellement composée de Bill Lieb et Rhys Fulber, également figure de proue du groupe Frontline Assembly, donc du tout nouvel album de Noise Unit sorti plus tôt cette semaine et intitulé Deviator. Nous écoutions la pièce K7. Vous écoutez toujours et encore Audiomatique avec les sonoristes qui vous suggèrent à l'instant le groupe américain Tear Wave. Yeah. j'avais peur, embarqué dans une nuit interminable, incandescente, un culte obscur du soleil. Culte obscur du soleil. Yeah. Yeah. Yeah. Est-ce une mer, une terre de glace, quelque chose de bleu? Fantasmé, je voudrais toujours être ailleurs. Down, it's gonna blow us all away when it throw the book at us, the walls will cave in, and it'll eat the worst of us. And when it goes away, we'll have to rebuild from the start. Terminions ce bloc musical à Audiomatic avec le projet Trouble Over Tokyo, mené par Christopher Michael Taylor, qui crée également musicalement sous le pseudonyme Sohn, S-O-H-N, du deuxième album de Trouble Over Tokyo, intitulé Pyramids, paru en 2007. Nous entendions la chanson Start Making Noise. Tout juste avant Trouble Over Tokyo, nous avions droit au groupe français Denner et sa chanson Ultima Thule de son mini-album Semi-Monde, sorti le 16 avril dernier. Et pour débuter, le groupe américain Tear Wave nous offrait sa chanson Emotional Cocoon, extraite de leur premier album homonyme lancé en 2007. C'est sur la musique du projet InAid que se conclura cette transmission 360 d'Audiomatic grâce à la pièce Disconnecting States tirée de l'album The Crackling of the Anonymous. Nous vous invitons, dis-je, à visiter nos plateformes facebook.com/audiomaticcfou et mixcloud.com/audiomatic si jamais vous êtes intéressé à entendre ou réentendre nos anciennes transmissions d'Audiomatic. Nous serons de retour en ondes mercredi prochain dès 17h pour vous présenter la transmission 361 d'Audiomatic. Alors voici InAid et la pièce Disconnecting States. C'était Audiomatic avec les sonoristes.